Rendre le bonheur plus profond et le plus permanent possible, c'est sans doute ça le but de la sagesse. La sagesse nous invite à être nous-mêmes pour mieux nous accorder au monde, à devenir libres, à grandir en humanité. Cet idéal des anciens, du Bouddha à Spinoza, demeure on ne peut plus actuel. Dans mon nouveau livre, j'ai voulu le réhabiliter parce que c'est ma propre quête. La sagesse expliquée à ceux qui la cherchent, un livre lumineux et enthousiaste de Frédéric Lenoir, aux éditions du Seuil. Bonjour cher Emmanuel et bonjour à vous qui nous écoutez aujourd'hui de l'autre bon côté du poste ou devant moi, dans le Palais des Beaux-Arts de Lille à l'occasion du festival Cité Philo qui nous accueille comme chaque année pour y enregistrer 4 épisodes des Chemins en public et avec les meilleurs pour parler cette saison du féminin. Poulain de la Barre, le premier philosophe féministe, le plafond de verre à l'université qui empêche les femmes d'accéder à la même visibilité que les hommes, le sexe de la langue des sexes et aujourd'hui, le portrait de Nancy Fraser, philosophe et militante. Voici le programme qui vous attend ces prochains jours, avec pour commencer la parole d'un homme qui en appelle à la féminisation du monde, un homme, mais pas n'importe lequel. Je fais véritablement une sorte de mystique de la féminité, puisque je passe mon temps à réclamer ce qu'on appelle la féminisation du monde. Je pense que ma mère, que j'ai racontée dans mon autobiographie La promesse de l'aube, a joué probablement un rôle déterminant dans cet amour de la féminité, mais peut-être aussi, si nous regardons autour de nous, il est évident que l'homme est en proie, que notre civilisation est en proie à des spasmes virils, profondément menaçant et qui vraiment nous menace d'écroulement. Je crois que l'Occident, l'Amérique en particulier, toute la littérature américaine, Jack London, Hemingway, aujourd'hui Norman Mailer, si elle est tellement obsédée par la virilité, c'est que c'est un signe de dévirilisation profonde, d'angoisse qui se manifeste à l'extérieur par le machismo, comme on dit en espagnol, et par des fanfaronnades de virilité et de recherche de substituts virils dont finalement la bombe nucléaire n'est qu'un exemple, de prothèse. Bonjour Estelle Ferrarez. Bonjour. Bienvenue sur les chemins de la philosophie et bienvenue à Lille et bonjour à vous, public lillois. Ils sont bien là. Estelle Ferrarez, vous êtes professeure de philosophie morale et politique à l'université de Picardie Jules Verne, chercheuse associée au centre Marc Bloch de Berlin. Nous allons parler ensemble de la philosophe américaine Nancy Fraser. Avant cela, puisque c'est une semaine et une saison, la 22e saison du festival Cité Philo porte sur le féminin. Les 4 émissions des Chemins donc porteront également sur le féminin. Je voudrais qu'on prenne un petit moment pour juste définir ensemble ce qu'est ce terme assez étrange qu'est le féminin. Romain Gary en appelle à une féminisation du monde. Est-ce que quand il fait ça, il véhicule une espèce de cliché assez courant? La féminisation du monde, ça veut dire bien davantage de douceur pour tous, en fait. Oui, alors je pense qu'il y a un vrai piège dans cette idée de féminin. Et c'est vrai, quand j'ai vu le titre de cet ensemble de conférences, j'étais un petit peu étroulée, parce que notamment parmi les féministes, celles qui utilisent l'idée même de féminin, c'est souvent des personnes qui sont, on va dire, dans une logique différentialiste, hein, c'est-à-dire le fait de prêter une différence essentielle aux femmes par rapport aux hommes. Et effectivement, c'est un cliché de parler de féminin, selon moi, hein, mais c'est plus qu'un cliché, c'est quelque chose qui est dangereux politiquement. C'est-à-dire que justement, cette espèce de mythe d'une douceur qu'il s'agirait d'activer pourvu qu'on veuille bien se tourner vers un certain groupe qui est celui des femmes, c'est quelque chose qui, à mon avis, est un processus d'enfermement, hein, dans une sorte de cage de verre. Pour moi, le féminin, si on veut isoler quelque chose comme ça, c'est un ensemble de caractéristiques certainement corporelles, psychologiques, expérientielles, morales, puisqu'effectivement, il y a cette question de la douceur. Mais tout ça résulte d'une incarcération du groupe des femmes dans un ordre de discours, dans un ordre de domptage des corps. Mais est-ce que ça veut dire qu'il faut renoncer au terme de féminin ? Moi, je renoncerais. Ah oui ? Ouais. Ben, c'est mal parti pour citer philo. Hein. En même temps, quand Romain Gary en appelle à la féminisation du monde, bon, lui-même ne dit pas que c'est davantage de douceur. Ça, c'est moi qui le dis. En fait, le problème, c'est qu'on ne définit jamais ce terme. Il l'oppose à la virilité. Et peut-être que si le terme de féminin a un sens, c'est peut-être celui de s'opposer à la virilité, mais peut-être pas. On peut aussi considérer qu'il y a du féminin viril. En fait, le problème, c'est qu'on ne s'accorde pas sur la définition de ce terme. Oui, mais c'est-à-dire, est-ce qu'il est même nécessaire, est-ce qu'il serait productif que de tenter de chercher ce qui aurait pu être féminin si on justement si on désincarcère, je parlais d'incarcération, si on désincarcère ces traits de l'histoire de domination qui l'a produit, je suis pas sûre. Je suis pas sûre qu'il soit ni possible ni souhaitable donc de retrouver un avant mythique, un féminin qui aurait été là et aurait été brimé, étouffé. Je ne pense pas, je pense qu'on n'a pas les moyens de revenir vers ce noyau authentique du féminin. Ce qu'est le féminin aujourd'hui est le résultat d'une longue histoire d'exploitation, d'hommage des corps. Et donc pourquoi chercher à glorifier ça, je sais Mais pas alors, sûr. si on renonce au féminin, on renonce à l'appellation même de féminisme aussi? Non. Parce que là, on va avoir un problème pour l'émission de ce Non, jour, pas c'est du ça le tout. cas. Après, on peut parler des femmes, du groupe des femmes, on peut parler de féminisme, mais le féminin, qui renvoie quand même à un ensemble de caractéristiques, hein, ça c'est différent. C'est pour ça que je disais, c'est l'usage même du mot féminin, c'est débattu. Hein, c'est pas quelque chose qui va de soi C'est dans le ça, bah féminisme en c'est général. bien l'enjeu de ces rencontres. Alors, féminisme, on garde le terme. D'ailleurs, Nancy Fraser, dont nous parlons aujourd'hui, se présente comme une philosophe féministe. Absolument. Et pourtant, la dernière chose qu'elle souhaiterait, je pense, elle est encore vivante, elle est née en 1947, ce serait qu'on la réduise à une philosophe féministe. Oui, elle se vit comme une philosophe et une féministe, mais j'allais dire, son féminisme n'est pas accessoire. C'est-à-dire qu'elle, depuis le début de sa carrière, elle se revendique féministe, hein, elle n'a jamais varié par rapport à ça, donc elle commence à écrire dans les années 80, elle a participé à un certain nombre de mouvements auparavant, de mouvements politiques, et dès le départ, elle se revendique comme féministe, elle se revendique encore aujourd'hui comme féministe, donc c'est vraiment un engagement constant, très ferme, très calme, qu'elle a dans cette Elle n'est pas très connue en France, comment vous l'avez-vous découverte? Alors, bon, comme probablement on reviendra sur cette question, mais c'est quelqu'un qui a beaucoup dialogué avec donc un philosophe allemand qui s'appelle Jürgen Habermas. Et moi, je faisais ma thèse sur Jürgen Habermas. Et je l'ai rencontré. Et à la suite de ça, elle m'a invité à faire un postdoctorat à la New School for Social Research, qui est l'université à New York dans laquelle elle enseigne. Et voilà, c'est comme ça qu'a commencé notre coopération, même notre amitié. Elle hérite de la pensée de Habermas, de l'école critique même de Francfort, pourrait-on dire. Elle a écrit un ouvrage qui s'appelle Qu'est-ce que la justice sociale? L'expression même de justice sociale est très importante et son féminisme s'insère dans une réflexion sur la justice sociale, donc une forme de justice qui évidemment ne concernerait pas qu'une partie de la population. Son œuvre est intéressante parce qu'elle se revendique de ses héritages intellectuels philosophiques et en même temps, elle s'en distancie toujours. Il y a toujours un moment où elle explique que tous les concepts dont elle a hérité doivent être reformulés pour mieux être appliqués dans une forme d'engagement qui lui est chère. Je vous propose qu'on l'écoute. Tout de suite, elle n'est pas présente aujourd'hui, mais elle parle très bien français et voici comment elle se présente en tant que féministe. Je n'étais jamais le type du féministe qui ne s'intéresse que au genre. J'étais déjà une femme de la gauche, en plusieurs niveaux, et je m'intéressais à ce moment et je m'intéresse maintenant sur une critique de la société contemporaine globale, c'est-à-dire que je m'intéresse à toutes les structures, tous les mécanismes qui produisent l'injustice dans n'importe quel axe, soit le genre, soit la race, soit la sexualité, classe, etc. Et comment faire la théorie critique sociale de notre société en prenant compte du genre, de la domination masculine, mais pas à l'exclusion des autres axes de l'injustice. C'est peut-être le problème, Estelle Ferrarez, avec tous ceux qui se revendiquent de l'école de Francfort, c'est parfois les termes employés peuvent faire peur. Pour ceux qui ne sont pas familiers de ce vocabulaire, une théorie critique sociale, on se demande ce que ça signifie vraiment. Ce qu'il faut retenir de cette archive, c'est que Nancy Fraser inscrit son féminisme dans le cadre de cette réflexion plus globale sur la justice sociale. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui, comme vous le disiez, donc dialogue avec avec toute une tradition, hein, qui est donc représentée. Enfin, l'école de Francfort, c'est une école qui remonte, hein, aux années 20 et qui a plusieurs générations, hein, dans lesquelles il y a par exemple Adorno, Horkheimer, puis Habermas, avec qui elle a beaucoup dialogué, et puis Axel Honneth, avec lequel, là, pour le coup, elle a même écrit un livre de, disons, de controverse, de dialogue un peu musclé. Et c'est ce qu'elle va, enfin, comme vous le disiez, elle est toujours dans une tradition tout en se distinguant, parce que ce qui lui pose problème, c'est que cette école, tout en ayant réfléchi sur la justice sociale, sur ce que ça signifie, par exemple, que l'égalité, sur ce à quoi devrait ressembler le monde, eh bien, c'est peut poser la question donc des femmes, mmh, et de la question féministe. Donc c'est à la fois de dedans et de dehors, en fait, qu'elle s'empare de cette tradition. Et effectivement, c'est quelqu'un qui, tout au long donc de sa carrière, se pose de manière ferme, comme je l'ai dit, comme féministe, mais en même temps qui va réfléchir sur les autres axes. Alors c'est vrai, par exemple, elle a toujours un regard sur la logique, on va dire, d'ordre ethnique, religieuse, mais c'est surtout c'est vraiment la question de la classe, des classes sociales, en fait, qui est récurrente chez elle, et notamment, c'est une des raisons pour laquelle elle s'est toujours définie comme une féministe socialiste. Donc elle insiste beaucoup là-dessus, hein, et c'est quelque chose qui est rare et remarquable aux États-Unis, hein, c'est-à-dire que elle se déclare donc socialiste avec des références claires au marxisme, hein, elle commente Marx à de nombreuses reprises, et c'est quelque chose qu'elle fait à un moment donné où le féminisme américain donc est très loin des problématiques donc du type socialiste. Et c'est-à-dire c'est au moment où enfin elle arrive, comme je l'ai dit, en fait elle vient de la New Left, hein, donc qui est un certain renouvellement de la gauche aux États-Unis, donc qui a lieu dans les années 60 et qui va porter dès le départ des luttes très différenciées, mais qu'il considère comme convergent, hein, c'est-à-dire que c'est notamment la gauche qui va porter, enfin, ou qui va accompagner le mouvement des droits civiques, hein, pour les Noirs américains. C'est le mouvement qui va également développer un militantisme contre la guerre du Vietnam, qui va porter des luttes féministes, etc. Donc dès le départ, elle se situe dans cette pluralité qui ensuite va évidemment perdurer dans tout son discours. Il est difficile de penser comment le marxisme et féminisme peuvent tenir ensemble en réalité, parce que je ne crois pas qu'on trouve dans les écrits de Marx des pensées proprement féministes. Non, alors pas du tout, et ça c'était l'objet de beaucoup de discussions, hein, dans les années 70. Enfin, il y a notamment, par exemple, en Europe, dans les années 70, on va dire que la majorité, ou enfin une grande partie des féministes sont plutôt marxistes, ce qui est pas du tout le cas aux États-Unis. C'est pour ça que je dis que c'est assez exceptionnel de trouver une féministe marxiste à cette époque-là, ou même encore aujourd'hui d'ailleurs, aux États-Unis. Mais effectivement, il y a donc toute une interrogation du corpus marxiste sous le double angle de que peut-on en garder et jusqu'à où peut-on le critiquer, et notamment autour de cette question, donc qu'on va trouver chez Nancy Fraser comme chez d'autres, autour de la question de la production-reproduction. C'est-à-dire ce que Marx définit comme étant à côté de la production, donc la production qui va définir le vrai travail, hein, c'est-à-dire celui qui va permettre la production de la valeur et qui donc est concrètement le travail qui est produit dans une usine et qui fait l'objet de toute son analyse. Il va le distinguer de quelque chose qu'il appelle la reproduction. Et qui est donc un ensemble de logiques et d'activités qui sont essentiellement liées à la reproduction de la force de travail, c'est-à-dire c'est aussi bien au niveau individuel qu'au niveau collectif. Ce sont toutes les tâches ou les activités qui sont, par exemple, le fait de se nourrir ou de nourrir autrui, c'est le fait de se reproduire aussi physiquement, c'est-à-dire qu'en fait, c'est la tâche qui consiste à produire plein de petits ouvriers supplémentaires. Et voilà. Et donc, toute cette tâche de reproduction, hein, eh bien, elle est affectée aux femmes. Donc, ça apparaît un petit peu chez Marx, mais vraiment en arrière-plan. Et donc, ce que vont faire les féministes marxistes, c'est de dire, voilà, de cette dichotomie, qu'est-ce qu'on peut faire, jusqu'à quel point la critique, voilà. Elle propose une lecture de Marx qui est vraiment originale, et elle montre bien que Dans la suite de Marx, le capitalisme n'est pas seulement une domination de classe, mais aussi une domination, enfin, il produit des phénomènes de domination de genre, de domination politique, de domination sur la nature. Je vous propose qu'on écoute un court extrait d'un texte de Nancy Fraser sur Marx pour qu'on puisse entendre cette nouvelle lecture qu'elle propose de Marx et qui est tout à fait originale puisqu'elle propose de concevoir le capitalisme comme, elle dit-elle, un ordre social institutionnalisé, donc pas simplement économique. Écoutez. Il faut concevoir le capitalisme comme un ordre social institutionnalisé, à l'instar de ce qu'a été, par exemple, le féodalisme. Comprendre le capitalisme de cette manière, c'est mettre en évidence ses divisions structurantes. La division institutionnelle entre production économique, les hommes, et reproduction sociale, les femmes, est constitutive du capitalisme. Cette division exclut des priorités politiques des États territoriaux les questions considérées comme économiques, et laisse ainsi le capital libre de se répandre dans un no man's land transnational où il tire avantage de l'ordre hégémonique en vigueur tout en échappant à tout contrôle politique. Par conséquent, parler du capitalisme comme d'un ordre social institutionnalisé fondé sur de telles divisions, c'est suggérer son imbrication structurelle, non accidentelle, avec l'oppression de genre, la domination politique, à la fois nationale et transnationale, coloniale et postcoloniale, et la dégradation écologique. Vous écoutez France Culture, les chemins de la philosophie. C'est le début d'une série sur le féminin que nous enregistrons à Lille, dans le Palais des Beaux-Arts, dans l'auditorium du Palais des Beaux-Arts de Lille, à l'occasion de la 22e saison du festival Cité Philo. Féminin, singulier, universel, c'est le thème de ce festival et c'est donc aussi le sujet de nos émissions ici. Aujourd'hui, en compagnie de la philosophe Estelle Ferrarez, nous parlons de Nancy Fraser, dont nous venons d'entendre un texte lu par Shems Oda. Le texte, alors si on le lit attentivement, et d'ailleurs, c'est vrai pour toute la pensée de Nancy Fraser, l'ennemi, le problème, c'est le capitalisme, qui structurellement induit des rapports de force, et pas simplement entre les classes, qui nuisent à une grande partie de la population. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que, en fait, l'idée, c'est que toutes les rapports sociaux sont déterminés par le capitalisme, et donc notamment les rapports de genre sont le résultat, au moins en partie, du capitalisme, et qui a besoin donc de cette fameuse distinction entre production et reproduction dont je parlais. C'est-à-dire que, en fait, il y a des choses qui échappent au marché, mais précisément parce que ça échappe au marché, ça permet et ça nourrit le marché. C'est ça l'idée. C'est que pour que le marché fonctionne correctement, il faut qu'il y ait des choses qui aient été accomplies de manière gratuite, sur la base, par exemple, de certains sentiments moraux, donc par les femmes notamment, c'était en termes de prendre soin d'autrui, donc notamment de nourrir, comme je disais tout à l'heure, mais aussi de prendre soin des relations sociales. Et tout ceci, en fait, est supposé être hors du capitalisme, parce que ça ne crée pas apparemment de profit. Mais en réalité, sans cela, le capitalisme serait soit moins efficace, voire n'existerait pas. Donc tout cela est imbriqué. Et c'est vrai qu'elle le dit pas seulement à propos des rapports sociaux de genre, mais qu'elle le dit aussi à propos d'autres rapports, et notamment les questions de race. Alors je mets race entre guillemets, mais dans le vocabulaire américain qui est le sien, donc le mot race est très utilisé, donc pas comme référence à une réalité biologique, mais comme là encore des rapports sociaux structurés historiquement. Eh bien là aussi, c'est quelque chose qui est issu d'une histoire d'exploitation et donc de colonialisme, d'appropriation de richesses sur certains territoires, etc. Et c'est là encore quelque chose qui est subsumé sous la logique du capitalisme. Nancy Fraser montre bien également que, alors non pas chez Marx, mais chez Engels, pour Engels, le socialisme serait la mise en commun. Alors cette fois-ci, pas simplement des moyens de production, mais aussi des travaux ménagers, de la reproduction, parce que la lecture que Fraser fait de Marx, et donc de montrer que vous l'avez dit, que la production économique serait du côté des hommes, en fait, et la reproduction serait du côté des femmes, si je simplifie. Elle montre qu'il y a une possibilité peut-être de corriger cet état de fait, serait de mettre en commun tout ce qui relève des travaux ménagers, de la reproduction. C'est une idée qui paraît assez terrifiante, non ? et assez inapplicable. Enfin, peut-être qu'il y a plus de justice quand on met en commun tous ces domaines-là, mais la manière dont nous vivons aujourd'hui ne permet pas de penser cette réalité comme étant applicable. Ou alors on renonce à toute forme d'intimité. Alors, disons que là, on n'est pas dans une sorte de retour à Platon. Il ne s'agit pas de mettre les femmes en commun ou les enfants en commun. Ce n'est pas jusqu'à là. Mais effectivement, tout ce qui est travail, donc de reproductif, hein, c'est-à-dire l'aspect activité, y compris labeur, hein, là, effectivement, elle fait une proposition qui peut être considérée comme assez radicale. Elle considère que donc tout ce labeur doit être arraché, extrait de la famille, du foyer, et donc devrait être distribué sur une autre base que celle donc de la petite unité familiale. Alors donc l'idée, ce qu'elle essaye de défendre, c'est qu'il s'agit pas simplement de mieux redistribuer au niveau dyadique, hein, entre un homme et une femme, c'est pas là qu'on va trouver la solution, mais c'est qu'il faut repenser ça à l'échelle de la société, hein, puisque encore une fois, la distribution du travail reproductif, c'est le résultat d'une structure globale. C'est pas juste la domination personnelle d'un homme sur une femme enfermée dans un espace réduit. C'est vraiment quelque chose. Et donc c'est bien toute cette structure qu'il faudrait remettre en place, penser la redistribution donc collectivement. Et donc ce qu'elle propose de faire, c'est de s'en remettre à donc ce qu'elle appelle la société civile, hein, c'est-à-dire l'ensemble des associations, des individus en tant qu'ils sont qu'ils ont un discours politique, hein, et de redistribuer au niveau de la société civile ce travail reproductif. C'est-à-dire comment ça marche concrètement? Redistribuer le travail reproductif. Concrètement, c'est quelque chose qui nécessairement, alors déjà va passer par un moment de discussion, hein. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a beaucoup insisté sur l'espace public en tant qu'espace de délibération. Donc, comme à Habermas. Comme à Habermas. Et donc, elle n'a pas véritablement de recommandations pratiques, mais l'idée, c'est donc de remettre dans la discussion et donc surtout d'extraire, j'allais dire, de trois grandes entités ce travail reproductif. L'extraire de la famille, hein, où elle a été enclavée par une logique donc qui est celle du capitalisme. Mais l'idée n'est pas non plus, comme on peut le voir actuellement se développer, donc de marchandiser ce travail reproductif. Direct la GPA, par exemple. Oui, ou simplement le fait de payer pour qu'un certain type de travail soit fait, par exemple confier ses enfants à des crèches. En plus, elle est dans une perspective américaine, donc elle parle de crèches qui coûtent cher. Enfin voilà, c'est l'idée ou le fait de placer ses parents âgés là encore dans des hospices qui coûtent cher. Enfin voilà, donc l'idée c'est de faire attention à ne pas nourrir à nouveau le capitalisme d'une autre manière en confiant toutes ces tâches donc à des domaines de l'industrie qui se spécialiseraient et permettraient à nouveau le profit. Donc elle veut l'extraire de la famille, mais donc sans ouvrir la possibilité que ce soit pris en charge à nouveau par le marché et donc génère de nouveaux profits. Mmh. Et d'autre part, ce qu'elle refuse de faire aussi, c'est donc de confier ce travail reproductif ou ce travail de care, comme on l'appelle parfois, à l'État, qui sera encore une autre option, c'est-à-dire de le passer au public. Et là, ça, c'est quelque chose qu'elle considère comme potentiellement dangereux. Bon, c'est quelqu'un qui, tout en se disant socialiste, j'ai insisté là-dessus tout à l'heure, c'est quelqu'un qui a également souligné qui a fait une critique de l'État-providence. Non pas parce que c'est au nom d'un libéralisme ou d'un néolibéralisme déchaîné, mais parce que l'État-providence est complètement infusé de valeurs patriarcales. Donc c'est tout un discours qu'elle a développé en utilisant un petit peu Foucault dans les années 80. Hein. C'était donc il y a une sorte d'interprétation souvent naturalisante des besoins qui est fait par l'État-providence. Et donc en fait c'est au nom de ça qu'elle refuse que ce travail reproductif donc soit tout simplement confié, par exemple, à des structures publiques. Hein. Et là, le problème ne serait plus celui du profit, mais le fait qu'on s'en remette à une institution qui est potentiellement problématique, y compris pour les femmes et pour le type de modèle qui va être reproduit. Donc quand elle parle d'espace public, c'est pas l'État. Non, absolument pas. C'est pour ça qu'en fait, je parlais de société civile. Hein. Elle veut confier l'organisation et la redistribution du travail reproductif à cette société civile, c'est-à-dire ce qui n'est ni l'État ni l'économie, donc ni la famille, mais qui est en fait l'ensemble des individus en tant qu'ils s'organisent politiquement, parce qu'ils discutent tout simplement, soit parce qu'ils sont organisés en association. Alors on peut parler d'une définition du féminisme qui serait inclusive, c'est ça, ce serait le bon terme ? Oui, c'est effectivement... Chez Nancy Fraser ? C'est... Oui. Convergence des luttes ? Alors, ce sont des termes qui s'appliquent à sa pensée. Alors, effectivement, l'idée... Alors, convergence des luttes, oui, c'est comme... Il faut prendre ça un petit peu avec prudence, dans la mesure où elle a mené elle-même des luttes donc qui étaient diverses, différenciées. En même temps, elle ne parie pas sur une convergence automatique, harmonieuse des luttes, hein, comme on a pu le voir dans une certaine gauche des années 60 ou 70. Hein, c'est-à-dire que nécessairement, les formes d'émancipation recherchées par les différents groupes, s'épouseraient les unes les autres. Hein. Il y a bien l'idée de difficultés qui sont à dépasser chez elles, dans la mesure où... certains mouvements sociaux, par exemple, dans leur quête d'émancipation, peuvent avoir des effets paradoxaux et donc avoir des effets paradoxaux sur d'autres logiques de domination. Par exemple, elle a montré elle a fait une critique du féminisme tel qu'il a muté dans les années 80-90. Donc il a été dans une direction, notamment aux États-Unis, dont elle s'est toujours gardée, hein, vis-à-vis duquel elle a toujours été très critique, et qui est un féminisme de l'identité. C'est-à-dire que c'est un féminisme qui cherchait à poser la différence des femmes, à poser donc les femmes comme un groupe identitaire, poser les femmes comme peut-être aussi porteuses d'une certaine idée du féminin. Hein, ouais. Et ça, c'est quelque chose dont elle souhaite... Il n'y a pas d'essence féminine, un féminisme qui parlerait d'une identité féminine et donc d'une essence féminine et qui essentialiserait en fait ce que sont les femmes. C'est ça qu'elle critique. C'est ça, c'est tout à fait ça. Mais sa façon qu'elle a de le critiquer, c'est aussi pour montrer que ce féminisme-là a contribué en réalité à la victoire du néolibéralisme. C'est pour ça que je dis que en fait les choses sont heurtées. C'est-à-dire qu'elle montre que d'une part les féministes donc ont baissé la garde vis-à-vis d'un certain nombre de revendications ou en tout cas d'attentes qu'elles auraient dû porter, comme par exemple les questions de redistribution. Hein, les questions de répartition des richesses, ça implique effectivement les questions salariales, mais ça implique aussi les droits sociaux. Enfin, toutes ces problématiques-là ont été abandonnées à un moment d'après elle par le féminisme, et notamment le féminisme américain qui donc se rivait sur des questions de différences, de discours, etc. Et à partir de là, donc, en baissant la garde, a permis le triomphe donc du néolibéralisme. Ça, donc, comme je vous dis, elle parle effectivement de lutte, mais qui converge pas différemment. Alors, on a une lutte qui est en fait en train de provoquer d'un autre côté une régression du côté de la logique de classe, etc. Son problème est celui de la domination plus que le féminisme, en fait. Ce que je disais au début, on peut pas la réduire à un féminisme à la mesure où c'est d'abord un combat pour la justice sociale. Exactement. Et contre la domination, quelle qu'elle soit. Absolument. Et donc, tout engagement féministe qui viserait à se désolidariser d'une autre forme de domination serait à ses yeux mortifère pour le combat. Absolument. Absolument. C'est effectivement c'est pour ça qu'elle insiste sur ce mot de justice qui revient perpétuellement dans son travail, hein. C'est un horizon d'émancipation qu'elle pose, et effectivement c'est une émancipation qui ne sera atteinte que pour autant que tous les groupes sociaux l'atteignent. Mais ça ne veut pas dire que ça se fera de manière naturelle, facile et sans problème, comme il y a derrière cette idée parfois de convergence des luttes. D'ailleurs, elle met au point un concept à la suite d'Habermas. Alors oui, je disais qu'elle est souvent critique à l'égard de ceux dont elle hérite par ailleurs. Habermas, vous l'avez dit, mais au point l'idée même d'espace public et l'importance du dialogue dans l'espace public pour faire avancer ces problèmes politiques, notamment dans une forme d'éthique de la discussion. Et Nancy Fraser montre que la notion même d'espace public telle que Habermas la met en œuvre, eh bien, pêche par défaut, là aussi, qu'il y a un problème dans cette notion même d'espace public, qui est que celui-ci véhiculerait quand même une conception qu'elle juge trop bourgeoise, c'est-à-dire qu'il n'inclurait pas assez les minorités au sein de ce qui devrait être pourtant un espace ouvert à tous puisqu'il est public. Et pour essayer de pallier cette insuffisance, elle met au point ce qu'elle appelle un principe de parité de participation. Je vous propose qu'on écoute un autre texte, un extrait où elle définit exactement ce que c'est que ce principe de parité de participation. En clair, comment intégrer au sein de l'espace public des gens qui n'auraient pas naturellement la parole. Eh bien, il faut mettre en œuvre quelque chose qui ressemblerait à une parité de participation. Écoutez. Au centre de la conception de la justice que je propose se trouve le principe de parité de participation. Ce principe exige des agencements sociaux qui permettent à tous les membres adultes de la société d'interagir en tant que pairs. Pour que cette parité de participation soit possible, deux conditions au moins doivent être remplies. D'abord, la distribution des ressources matérielles doit garantir l'indépendance et la prise de parole des participants. Cette condition, objective, est incompatible avec toute forme ou tout degré de dépendance économique et d'inégalité qui empêche la parité de participation. Ainsi, sont proscrits les agencements sociaux qui institutionnalisent le dénuement, l'exploitation et les disparités criantes de richesses, de revenus et de temps libre, privant certains individus des possibilités et des occasions d'interagir avec les autres en tant que pairs. La seconde condition nécessaire à la parité de participation est, quant à elle, de nature intersubjective et requiert des modèles institutionnalisés de valeurs culturelles qui garantissent un respect identique à tous les participants et des chances égales dans la recherche de l'estime sociale. Ces conditions sont toutes deux nécessaires à la parité de participation. Aucune ne suffit à elle seule. Aucune ne suffit à elle seule, et là c'est très important. On va revenir sur ces deux conditions, Estelle Ferrarez. La seconde étant la reconnaissance, il y aura beaucoup de choses à dire parce que le concept de reconnaissance forgé par Axel Honneth notamment, enfin forgé en tout cas sur lequel il a beaucoup travaillé, est beaucoup utilisé en ce moment, comment reconnaître les minorités, il est beaucoup aussi psychologisé. Or Nancy Fraser s'oppose radicalement à cette psychologisation de la reconnaissance et la victimisation qui en découle souvent. On y vient dans un instant. D'abord, le premier principe, c'est la redistribution économique. Là, c'est une conception matérielle, disons, de l'espace public. On reste ici dans une lignée marxiste assez classique, non ? Absolument. Là, c'est effectivement ce qu'elle va garder donc de l'ancrage socialiste dans lequel elle se situe, hein, c'est-à-dire la redistribution donc des richesses, comme je le disais tout à l'heure, entendues donc comme comment répartit-on au sein d'une société, la richesse qui est produite, et comment la répartition, non pas aussi en prenant en considération le fait que certains n'ont pas travaillé, ne peuvent pas travailler, ne peuvent plus travailler, etc. Donc la répartition, c'est ça, c'est aussi la répartition des allocations sociales, enfin tout ça. Donc là, on a besoin de l'État quand même. Là, on a besoin de l'État, tout à fait. Non, mais elle a pas du tout un discours anti-État. Hein. C'est l'État-providence tel qu'il existe, tel qu'il s'est historiquement créé, est problématique en raison des valeurs patriarcales qui le structurent. Mais elle est absolument pas anti-étatiste. Hein, ça, il faudrait repenser l'État très, très, très sincèrement. Donc effectivement, il y a ce premier niveau qui est pour elle très important, hein, c'est-à-dire cette question de la redistribution qui peut même aller jusqu'à des formes relativement radicales de réorganisation économique. Hein. Encore une fois, elle vient quand même du marxisme, donc il ne s'agit pas simplement de penser cette redistribution comme une sorte de correctif marginal de la logique de marché, hein, rendre les choses insupportable pour des êtres humains qui par ailleurs seraient tout de même exploités. Hein. C'est pas juste un correctif. C'est quelque chose qui peut, y compris, supposer un changement radical de la manière dont l'économie fonctionne. Donc ça, c'est effectivement un premier aspect, hein, pour atteindre cette parité. Et l'autre, donc, c'est quelque chose qui va se situer au niveau du statut. Hein, dans la mesure où, et c'est là où elle va se différencier des marxistes orthodoxes, hein, elle considère que, à côté de ce qui est exigé par le marché, cette logique de la distinction entre production et reproduction dont on parlait tout à l'heure, eh bien aussi, il y a une logique qui se situe sur le plan des valeurs, hein, qui institue certains groupes, certaines personnes dans une société, en individu doté d'un statut inférieur et donc ce qui les empêche d'être à même de participer en tant que pair, donc PAIR, aux interactions. Et donc en fait ça c'est ce statut quelque chose donc qui résulte de la sédimentation de pratiques, de la manière dont les institutions fonctionnent, des lois bien sûr, mais de manière plus dans le détail, hein, également par exemple de la manière dont le code de la police peut fonctionner, donc par exemple laisser rendre possible les contrôles d'identité de certains et pas d'autres. Enfin bon, donc toute une série de choses plus ou moins matérielles, plus ou moins positivisées dans les textes. Mais qui, en fait, très de manière aussi rigoureuse, hein, aussi implacable que les questions de redistribution, empêche certains, certaines, de participer en tant que père. Donc, en clair, la redistribution économique, toujours dans l'optique, hein, d'une meilleure intégration dans l'espace public, c'est une manière de dire que beaucoup de personnes qui ont droit, font partie de l'espace public, de fait, n'y sont pas, parce que leurs conditions de travail, la durée de travail, ne leur permettent pas de participer. C'est ça, l'interprétation matérielle, c'est ça. C'est qu'en fait, le temps de travail pris ou qui accapare certaines personnes leur est autant de temps en moins pour participer dans l'espace public, c'est ça ? Oui, alors ça peut être effectivement une question de temps. Ça de peut conditions. Oui, ça peut être une question d'épuisement, oui. Qui fait qu'au-delà d'un certain niveau d'exploitation, ben, bien évidemment, on n'a même plus la force physique pour aller participer à des réunions le soir. Mais c'est aussi la manière dont il y a, par l'organisation du travail, et notamment donc du travail au sens où aujourd'hui cette distinction production-reproduction amène notamment les femmes à avoir une double journée, hein, et bien là aussi c'est une certaine extraction nécessaire des femmes de l'espace public en raison de cette structuration du travail productif et reproductif qui doit être repensée, puisque là encore ça empêche la participation à la discussion générale. Et de l'autre côté, donc la question du statut, elle préfère le terme de statut à celui d'identité, hein. Vous disiez qu'elle n'aimait pas cette notion-là dans le féminisme, mais c'est vrai en général. Le statut, c'est une manière de désigner une personne sans l'assigner, que ce soit sur des questions de race, de genre, de sexe ou même de place sociale. Le statut, c'est la place qui est occupée par une personne dans l'espace public, quelle soit, c'est ça ? C'est ça. En fait, le statut, c'est vraiment, en fait, il n'y en a pas 50 des statuts, c'est soit vous êtes père, soit vous ne l'êtes pas. Père et ailleurs. Exactement. Voilà, notre traduction en français, c'est vrai que... Et donc, est-ce que vous êtes effectivement à même d'interagir avec les autres sur un plan d'égalité ou pas ? C'est ça. Donc, et c'est ça son critère. C'est ça son critère, par exemple, quand elle parle de justice, on en parlait au début, hein, ouais. L'idée de justice sociale, le critère, c'est ça. Est-ce que oui ou non, je suis père ? Et donc, c'est la question qu'elle va poser pour les femmes, mais pour tous les autres groupes qui sont sujets à des formes de domination. Donc, la question, c'est pas du tout celle de l'identité qu'elle va laisser de côté, et comme je vous l'ai dit, qu'elle va considérer comme dangereuse, parce que potentiellement nourrissant le capitalisme. Hein, mais effectivement, l'idée n'est pas de poser un groupe identitaire qui serait celui des femmes, un groupe identitaire qui serait celui de tel groupe ethnique, etc., etc. L'identité, pour elle, est donc n'est pas ce qu'elle cherche à faire reconnaître, parce qu'effectivement, comme vous le disiez, elle utilise le vocabulaire de la reconnaissance, hein, quand elle parle de justice sociale, de parité. Cette seconde condition qu'elle vient d'évoquer, là, souvent, elle va la nommer reconnaissance. Il y a redistribution et reconnaissance. Donc, cette question de la reconnaissance, elle va se poser en Amérique du Nord, moi, en France, sous la forme d'une reconnaissance d'identité collective. L'idée d'un respect, voire d'une estime, qui est due à un groupe participe autant que les autres, qui contribue autant que les autres aux activités du monde. Mais il y a une dimension morale dans la reconnaissance, non ? Alors, il y a une différence. Oui, bien sûr. C'est effectivement. Là, on sort un peu de la politique. C'est pour ça que je dis la dimension de reconnaissance, on l'assignerait de manière spontanée à quelque chose de plus intime. Reconnaître quelque chose, avoir de la reconnaissance, donc ça c'est distinct de la gratitude, hein. Mais même reconnaître une certaine personne ou demander, attendre de la reconnaissance, on est là dans un registre qui n'est pas matériel, qui n'est pas économique et qui paraît intersubjectif. Mais là encore, Nancy Fraser dit non, c'est pas du tout intersubjectif la reconnaissance. Oui, c'est-à-dire que pour elle, en fait, alors elle ne nie pas évidemment qu'au niveau intersubjectif, nous ayons des relations de reconnaissance, mais c'est pas ce qui l'intéresse. C'est-à-dire qu'évidemment, elle-même va avoir, en tant que, je sais pas, en tant qu'universitaire, des formes de reconnaissance pour ses collègues, pour les personnes qu'elle va admirer. Ça c'est bien évident. Mais en fait, ce qu'elle a en tête, elle, puisqu'en fait, elle a une pensée qui est toujours politique, hein, c'est la manière dont cette reconnaissance, en fait, elle est agencée donc par des modèles de valeurs qui résultent de réalités très matérielles. Je parlais tout à l'heure des textes de loi, mais aussi bon, qui sont sédimentés dans, je sais pas, la manière dont fonctionnent les réunions de parents d'élèves, enfin dans beaucoup de choses comme ça. Et cette cette reconnaissance-là, hein, c'est celle-là qui fait problème. C'est-à-dire que elle veut pas, encore une fois, elle veut dégager toute sa réflexion sur les hommes et les femmes, et sur d'autres, hein, de ce qui se passe vraiment dans la coprésence. C'est pas ça le problème. En fait, ce qui fait vraiment problème, c'est tout l'appareil normatif, institutionnel, qui structure ces relations de reconnaissance. Parce que ce sont ces relations structurelles qui, en fait, produisent des inégalités et font que certains ne sont pas des pères. Ce qui fait que je ne suis pas père de la personne que j'ai en face de moi, ça n'est pas l'éventuelle brutalité de celui qui est en face de moi. Ce qui fait de moi moins qu'un père, c'est tout ce qui permet à cette brutalité d'affecter ce que je suis, hein, au-delà de ce qui se passe là maintenant tout de suite dans cette pièce, dans ce petit moment. Pas brutalité, j'espère. Non. Pas, en tout cas pas du côté du public, ça m'a pas l'air. Pour définir justement ce terme de reconnaissance et aller vers ce refus de la psychologisation, écoutons quelques secondes la définition que Axel Honneth donne de la reconnaissance, et puis un dernier extrait d'un texte de Nancy Fraser, toujours de Qu'est-ce que la justice sociale, qui montre le problème et la pente facilement empruntable qui va du déni de reconnaissance à la victimisation qu'elle déplore par ailleurs. C'est seulement dans le miroir de l'autre que nous pouvons réaliser notre propre conscience et notre propre identité. Le développement humain dépend de ces formes de reconnaissance mutuelle. L'idée forte derrière cela, c'est que sans ces formes de reconnaissance de soi, personne n'est en mesure de participer de manière libre et sans contrainte à la formation politique d'une société. Il faut donc certaines conditions sociales, l'établissement de certaines formes de respect mutuel pour que les gens puissent intervenir dans le public sans crainte, sans douleur et sans contrainte. En posant la question en termes de justice, on évite de tomber dans le piège de la psychologisation. Quand on identifie déni de reconnaissance et déformation de la structure de la conscience de soi de l'opprimé, il ne manque qu'un pas pour en arriver à blâmer la victime et ajouter l'insulte à l'injure. Inversement, lorsque le déni de reconnaissance est donné pour l'équivalent d'un préjugé dans l'esprit des oppresseurs, la solution semble être de polisser leurs croyances, une approche qui est autoritaire. Dans ma conception, en revanche, le déni de reconnaissance est affaire de manifestations publiques et vérifiables, d'obstacles au statut de membre à part entière de la société imposé à certaines personnes. Et ces obstacles sont moralement indéfendables, qu'ils distordent ou non la subjectivité. Pour ces raisons, il vaut mieux concevoir la reconnaissance comme relevant de la justice plutôt que de la réalisation de soi. L'affirmation est claire, Estelle Paris, surtout juste après l'extrait d'Axel Honneth, donc qui parle anglais, traduit par Georges Kless dans l'extrait qu'on a entendu, où il parlait de reconnaissance comme réalisation de soi. Et là, le texte, on vient d'entendre, finit justement avec cette affirmation de Nancy Fraser, disant « Il vaut mieux reconnaître concevoir la reconnaissance comme relevant de la justice plutôt que de la réalisation de soi. » Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire que c'est un concept politique, la reconnaissance, pour Nancy Fraser ? Absolument. C'est-à-dire que là, en fait, ce qu'on entend dans ce dialogue, c'est Axel Honneth qui, dans un premier temps, donc va, en repartant en fait de Hegel, hein, de la théorie de la reconnaissance de Hegel, il a travaillé pendant des années sur l'idée que les êtres humains se caractériseraient par un besoin de reconnaissance. Et ce besoin donc doit être comblé de multiples manières, hein, mais l'idée c'est qu'en l'absence de la reconnaissance qui est attendue d'autrui sous de multiples formes. Mais c'est ce qu'il montre avec la dialectique du maître et de l'esclave. Absolument. Voilà. Absolument. Il reformule dans des termes plus contemporains en utilisant par exemple des outils de psychologie contemporaine. Bon, mais c'est effectivement de là que vient le toute sa réflexion. Et en fait, ce qui est important, c'est que dans la mesure où il y a un besoin, si ce besoin n'est pas comblé, ça va produire, ça, chez Axel Honneth, de la souffrance, hein, et un rapport mutilé à soi. La réalisation de soi qui est empêchée et va produire, hein, véritablement une souffrance psychique, hein, des blessures morales, dit-il. C'est-à-dire que nous avons des attentes vis-à-vis d'autrui qui, lorsqu'elles ne sont pas comblées, eh bien, donc, nous blessent. Et ça, c'est sur cette base qu'il va effectivement défendre l'idée que, eh bien, une société doit permettre les formes de reconnaissance, les différents types de reconnaissance qu'il identifie. Et donc, à cela, Nancy Fraser va répondre, pas du tout. Le problème n'est pas ce qui se passe dans la psyché des gens. Le problème n'est pas la souffrance que ça suscite ou que ça ne suscite pas. Le problème, c'est une question de justice. Et elle va dire pour beaucoup de raisons. C'est-à-dire que d'abord, il peut y avoir des dénis de reconnaissance très très graves qui ne suscitent aucune souffrance. Par exemple, c'est toutes les formes de... On peut penser qu'une personne qui aurait été esclave toute sa vie aurait été convaincue que c'était là sa place naturelle, pourrait vivre relativement sans souffrance son statut d'esclave. Et malgré tout, c'est bien quelque chose qui, du point de vue de la justice sociale, est intolérable, parce que ce n'est, encore une fois, pas quelqu'un qui est à même de participer en tant que père, hein, puisque c'est ça le critère. Donc l'existence ou pas d'une souffrance n'est pas le critère. Et à l'inverse, il n'est pas possible de se revendiquer d'une souffrance pour imposer une revendication. C'est-à-dire que c'est trop facile de dire « je souffre, donc je veux ». Donc on me doit cela. Hein, et donc, par exemple, l'exemple évident, c'est la revendication de type raciste qui viennent de personnes qui sont déclassées socialement, hein, qui disent « je souffre de mon déclassement ». Tout ceci est lié, à l'arrivée de migrants massive, et donc c'est pour ça que j'ai perdu mon travail, donc je demande que... on renvoie les migrants, enfin, je ne sais pas. Donc, le fait de se revendiquer d'une souffrance, c'est quelque chose qui est problématique. Ça ne peut pas être le critère, c'est ce qu'elle va dire. Et aussi, donc, elle a de manière générale une méfiance vis-à-vis de tous les usages de la psyché au-delà de la question de la souffrance qu'elle peut ressentir, hein, une méfiance vis-à-vis de la psyché en politique. C'est-à-dire que chaque fois que la psyché va être convoquée comme argument ou que la politique va tenter de transformer la psyché, c'est quelque chose qui est fortement, elle nous dit là dans l'extrait, illibéral. Hein, c'est-à-dire que c'est l'idée que il s'agit par exemple de rééduquer les consciences, ça c'est quelque chose qu'elle considère comme complètement illégitime. La solution à l'injustice sociale, la solution à l'absence de parité ne peut pas être, encore une fois, de rééduquer ceux qui seraient racistes, sexistes, etc. Ça peut pas être là. J'allais dire, ça, c'est ce qui lui reste un petit peu de Foucault, parce que notamment au début de sa carrière, elle a lu et travaillé sur Foucault. Et là, peut-être que c'est ce qu'il en reste, hein, mais de manière générale, elle considère que tous les usages de la psyché, toutes les fois politique et psyché aux psychologies se mêlent, c'est potentiellement... Mais dans les deux sens, ça veut dire que, par exemple, quelqu'un qui revendiquerait davantage de justice sociale au nom de sa propre victimisation, ça, elle ne veut pas l'entendre non plus. Exactement. C'est pas un argument. Voilà. C'est considéré comme victime, même si objectivement on peut l'être, enfin, toute la question de savoir s'il y a une objectivité en termes de victime, justement, et bien souvent c'est le cas, ça n'est pas un argument. C'est ça. C'est-à-dire que vraiment, elle considère qu'avec son idée de parité de participation, en fait, elle pose un critère. Et c'est à l'aune de ce critère que la situation des uns et des autres doit être examinée. Est-ce que je suis effectivement père, dans toutes les interactions, et c'est ça qui est important, hein, c'est-à-dire c'est pas seulement dans la sphère politique, mais elle va le dire pour toutes les sphères d'activité, elle insiste là-dessus. C'est-à-dire est-ce que quand je rentre dans une interaction avec autrui, est-ce que je suis vraiment père, c'est-à-dire dans la famille, sur le marché, dans le milieu du travail, dans la politique, etc. Oui, etc. Mais les personnes auxquelles on peut reprocher de se victimiser sont celles qui brandissent des causes réelles à cette injustice, enfin jugées réelles par elles, qui vont dire « mais parce que je suis femme noire et sans emploi aujourd'hui, on ne m'entend pas, on va parler de racisme d'État, de causes objectives qui viennent expliquer un statut vécu comme victime ». Qu'est-ce qu'elles répondraient à cela, à ces personnes-là ? Que c'est l'objectivité de la domination qui rend la revendication juste et audible, et pas Donc, il faut dire, c'est parce que je suis noire ou femme, il faut juste dire, je ne suis pas votre père, c'est ça? Oui, non, mais on peut dire, je suis noire et bien sûr, on peut dire, je suis noire et femme, c'est pas ça, mais c'est que ça n'est pas, l'aspect expérientiel, c'est-à-dire à la fois la façon dont c'est vécu et la manière dont c'est ressenti d'un point de vue psychologique qui est l'argument. L'argument, c'est véritablement dans la relation, enfin, c'est dans la relation sociale, en fait, que se mesure ou pas la parité. Ou l'absence de parité. Mais c'est pas donc dans l'expérience ou une expérience qui peut être vécue encore une fois bien ou mal, hein, mais c'est vraiment pas là que c'est pas cela qui rend un argument acceptable. Justement, un tout dernier point, parce qu'on arrive vraiment au terme de notre discussion, à l'écoute de tout ce que vous avez dit sur Nancy Fraser et son travail, on peut se demander, voilà, et c'est quand même une pensée qui, parce qu'elle ne veut pas ancrer dans l'expérience, dans la subjectivité. Ne pas intervenir dans la psyché, ça fait penser à se désincarner quand même. C'est une politique qui semble proposer quelque chose de pour être efficace doit être formaliste, théorique, critique. Non, je pense pas que ce soit ça parce que c'est en même temps une vraie confiance dans l'être humain en tant qu'il est capable de prendre la parole. Et donc, c'est pour ça que son idée de participation, moi, j'aime bien la requalifier en prendre part. C'est-à-dire que c'est pas une participation qui serait reçue au sens où on aurait une part égale du gâteau. C'est vraiment quelque chose que je vais arracher et c'est une capacité, une faculté qu'elle considère comme étant présente à chacun d'entre nous. Et donc, cette idée de faire entendre sa voix, d'arracher quelque chose à un système, c'est quelque chose qui peut être porté par les femmes, enfin par tous les groupes dominés. Donc ça n'est pas désincarné, ça n'est pas formel, sauf que ça passe par la capacité qu'elle considère comme partagée par tous, hein, d'argumenter, de se faire entendre, voilà. Merci beaucoup en tout cas Estelle Ferrarez. On vous a bien entendu aujourd'hui, n'est-ce pas? Merci au public, restez nombreux jusqu'au bout de cette discussion. Je rappelle, vous êtes professeure de philosophie morale et politique à l'Université de Picardie Jules Verne et vous êtes notamment traductrice des ouvrages de Nancy Fraser. Et puis on vous doit aussi un ouvrage appelé « La fragilité du souci des autres » Adorno et Le Caire. On se quitte, comme tous les jours, en chanson, celle à qui on doit la bande originale du film masculin-féminin, c'est Chantal Goya. D'abord, dis-moi ton nom, je te dirai le mien. Partons loin d'ici, nous parlerons plus loin. Je ne veux pas qu'on sache que je t'ai rencontré. Je ne veux pas qu'on dise que tu m'as embrassé. Et voilà, commencer une émission en disant que le féminin n'a aucun sens et la terminer avec Chantal Goya, ce n'est pas le moindre des paradoxes des chemins de la philosophie. Sur France Culture, les chemins de la philosophie, il est temps de retrouver le journal de la philo d'Anastasia Colosimo. On n'est pas là pour philosopher, Carpentier. Quand même. Incroyable. Bonjour Anastasia. Bonjour Adèle. Bonjour à tous. La semaine dernière était celle pour le président de la République d'une, je cite, « itinérance mémorielle » dans le cadre du centenaire du 11 novembre 1918, c'est-à-dire de l'armistice qui a mis fin à la Première Guerre mondiale. Derrière cette expression étrange, qui rappelle le jargon des médecins de Molière ou ceux de certains textes programmatiques des spécialistes modernes de la pédagogie, se cache l'idée d'une sorte de Tour de France, notamment du nord-est de celle-ci, ponctuée par un ensemble de cérémonies commémoratives. Cette itinérance est conclue par une cérémonie à Paris le 11 novembre, en présence notamment d'Angela Merkel et Donald Trump. Depuis quelques années, les présidents de la République semblent accorder une importance toute particulière aux cérémonies commémoratives, qui les haussent au-dessus des disputes politiciennes quotidiennes, les raccrochent à la grande histoire et les mettent dans les pas des plus grandioses de leurs prédécesseurs. Pourtant, à y regarder de près, les commémorations de l'armistice de 1918, cette année, sont marquées par une ambiguïté fondamentale. Nous ne sommes pas sûrs de savoir ce que nous commémorons. Que commémorer d'ailleurs de la guerre de 14-18? Faut-il commémorer la défense nationale, le sacrifice héroïque de nos soldats, ce qu'à l'époque on appelait la revanche des poilus contre les boches? Mais comment le faire alors qu'on pense désormais que la Grande Guerre avait quelque chose d'absurde, qu'elle n'était qu'une gigantesque boucherie, que la réconciliation avec l'Allemagne est plus belle que la rivalité, que la France a utilisé les troupes venues de ses colonies comme chair à canon. Mais si l'on pense vraiment tout cela, alors pourquoi commémorer? Pourquoi la France a-t-elle mené cette guerre? Toutes ces confusions viennent sans doute du fait que quelque part vers la fin du XXe siècle, nous sommes passés de l'histoire à la mémoire. Deux livres très différents avaient très bien enregistré cette mutation. Le recueil collectif « Les lieux de mémoire » dirigé par l'historien Pierre Nora est paru entre 1984 et 1992 et le livre de Paul Ricoeur « La mémoire, l'histoire, l'oubli » paru en 2000. Comment Pierre Nora lui-même comprenait-il le passage de l'histoire à la mémoire qu'il décrivait en même temps qu'il l'accomplissait? L'histoire, c'est la science des historiens. Le récit que ceux-ci mettent en place. Mais elle est aussi l'élément dans lequel une collectivité agit. Si un peuple parle de son histoire, il désigne la somme des combats qu'il a menés et qui lui ont permis de vivre jusqu'au moment présent, mais aussi la somme des combats qu'il doit continuer à mener pour survivre en tant que peuple. L'histoire est une longue série de vengeances et de revanches. Elle nous place à un moment de son déroulement et nous oblige à prendre position pour la suite. La perfide Albion, Trafalgar, l'Alsace-Lorraine, autant de mots qui rappelaient aux petits Français que les combats n'étaient pas finis. Ainsi, quand Marx et Engels, au début de leur manifeste du Parti communiste, écrivent que l'histoire de toute société, jusqu'à nos jours, est l'histoire de la lutte des classes, c'est pour mieux enjoindre aux prolétaires de mener la bataille la plus importante de l'histoire, celle justement qui mettra fin à l'histoire. La mémoire, au contraire, ce n'est plus le récit des fracas du passé qui dicte l'avenir, c'est le récit d'un temps passé, révolu, enfoui à jamais dans les archives. La partie est terminée, il n'y a plus à se battre et nous pouvons désormais découvrir, sous le récit unifiant qu'était l'histoire de France ou l'histoire mondiale, les différentes mémoires particulières, mémoire des Vendéens, mémoire des communards, mémoire royaliste, mémoire communiste, mémoire provençale, bretonne, mémoire des Juifs, des homosexuels, des femmes, des colonisés. L'histoire crée un peuple qui est un peuple combattant, souvent agressif. La mémoire insiste au contraire sur les groupes au sein d'un peuple, sur les traumatismes qu'ils ont vécus et qui sont aussi les nôtres. L'histoire parle de héros, la mémoire de victimes. De là vient une autre confusion. Les mémoires s'entrechoquent et changent en fonction du moment. Car qui dit mémoire dit trou de mémoire. Dans son ouvrage « La mémoire, l'histoire, l'oubli », Ricoeur distinguait trois différentes formes de ce qu'il appelait l'abus de mémoire. La mémoire empêchée, la mémoire manipulée et la mémoire abusivement commandée. Nous connaissons bien en France ce sujet, quand nous pensons aux différentes façons qu'on a eu d'aborder la mémoire de la Seconde Guerre mondiale depuis 1945. Le mythe gaullo-communiste, selon lequel tout le peuple français avait été résistant, dont une illustration pourrait être le discours épique de Malraux pour l'entrée des cendres de Jean Moulin au Panthéon, puis la sortie du film « Le chagrin et la pitié » et des ouvrages de Paxton, redécouverte progressive de la collaboration, des persécutions raciales, jusqu'au discours du Valdiv de Jacques Chirac en 1995. Il n'est pas improbable que notre mémoire de l'événement continue d'évoluer avec le temps. Toutes ces questions, on ne peut pas s'empêcher de penser que l'actuel président de la République les a bien en tête. Car quand Ricoeur écrivait « La mémoire, l'histoire et l'oubli », il était aidé par un jeune homme qui n'était autre qu'Emmanuel Macron. Merci beaucoup Anastasia, votre chronique est à réécouter en ligne sur le site du journal de la philo. Et un grand merci à Marie Simon qui m'a aidé à préparer cette émission en compagnie de Colomba Grossi, Sharon Houri, Anaïs Isbert, Isis Jourda, Géraldine Mosna-Savoie. La réalisation cette semaine, c'est Lise Combe. À l'équipe technique ici à Lille, j'ai le plaisir de remercier Christian Landès, Mathieu Leroy, Stéphane Demort, Jean Fromentin. Merci également à toute l'équipe de production, Francesca Fossati, Virginie Noël, Gilbert Glassman et Myriam Pleine-Maison. On se retrouve demain pour la suite de notre série sur le féminin. Tous féminins, c'est la question que nous posons. Demain, nous serons en compagnie de la sociologue Nathalie Heinick, avec qui nous poserons une question. Quelle place pour les femmes dans l'université? Je dis demain pour vous, chers auditeurs, mais pour vous, public lillois, devant moi, c'est tout à l'heure, à 15h. On se retrouve ici, même lieu, même endroit. D'ici là, chers auditeurs, vous pouvez réécouter cette émission en vous rendant sur le site de France Culture, page des Chemins de la Philosophie,